qu'ils viennent près de moi. J'abusais de ta chaleur tout le temps. Tu es la seule qui a bien soigné la faiblesse dans mon cœur. Donc bébé, ne brise pas mon cœur, tu connais déjà mon secret. Je ne peux pas résister quand t'es trop loin de moi. C'est toi qui me donnes de l'énergie, quand tu n'es pas là je m'affaiblis. Passer toute la nuit ensemble. Tu es la seule.